إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، في الدرس الماضي أخذ ماذا؟ الأمر. تتذكر la définition du amr؟ الأمر يعني قول متضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. نعم. C'est-à-dire quoi la wajh isti'la? Le fait que tu es au-dessus de la personne, tu es supérieur à la personne. Et quand c'est pas le cas, comment ça s'appelle? L'itimas. Quand c'est égal à égal. Aïwa. Quand c'est inférieur à supérieur, dua. Dua ou souel. C'est quoi les siyar du amr de formulation? Les différentes catégories. Les choses par lesquelles on sait que on a un amr. Le siyar dit amr. Ils sont fiables, tout ça. Ah ouais. Fiable, amr. Non, fiable, amr. Ismul fiable. Ismul fiable au sens de amr. Non. Masdar. Non. Et l'autre, c'est fiable mudari. كيف في المضارع؟ comment ça? C'est pas l'exemple. فضربا. يعني c'est qu'il y avait quelque chose après c'est. لا. فضرب الرقاب ça c'est مصدر. فضرب الرقاب هذا مصدر. مضارع c'est lequel? C'est quoi l'exemple? يجلس محمد يا أمر dedans. Non mais qu'il se soit. كيف? كيف تعلم? Bah il y a pas le choix, parce que comme si tu disais, tu vas donner l'exemple. Qu'il reste chez lui. Taïb. Là, tu n'as pas répondu à la question. Moudalir, comment tu sais qu'il est, c'est un amr? Tu dis Yajlis, Mohamed Yajlis. Comment tu sais que c'est un amr? Qui dit que ce n'est pas un khabar? Al-Muqtalin bil-lam al-amr. Li Yajlis. Li Yajlis. Ama wahdaha kada, là. Il l'a fait par le Mouadir, là, qu'il n'y a qu'à là. Et c'est quoi que ça implique le Amr? Al-Wujub. Al-As, on va dire, c'est le Wujub. Il y a aussi Ned. C'est ça qu'on dit? Ah? C'est ça qu'on dit? Mahou? Mustahab. Comment on dit Ned? Nud. Al-Mandoub. Al-Nadb. Comment on dit? Al-Nadb. Al-Nadb. Yani Al-Mustahab. Al-Ibaha. Al-Ibaha? On n'a pas parlé de ça, l'Ibaha? Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit Al-Amr ba'd al-Hadar yarji' ila ma kana 'alayhi qabl. Naam. Et le Amr, à quel moment tu dois l'appliquer? Ah oui, le Asr, c'est que c'est tout de suite, mais sauf s'il y a un dalil qui montre, comme le hadith de Aïcha, on le sait. Naam. Le Asr, c'est que c'est dans l'immédiat. طيب. الآن سنأخذ ضده وهو النهي. باب النهي. Ce qu'on appelle interdiction. قال النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. وهي المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. Donc l'interdiction c'est quoi? C'est une parole qui implique une demande de délaissement. Tu délaisses la chose. Et cela avec une connotation de supériorité. Avec une formulation particulière. Et c'est quoi cette formulation particulière? C'est le fi'l mudari' avec la an-nahiya. La an-nahiya, c'est-à-dire la jazima qui vient pour te dire une interdiction. Car on a la nafiya ou la an-nahiya. Ce ne sont pas les mêmes. Tu le reconnais comment? Dans le verbe qui vient après, comment la forme du verbe qui vient après, ça c'est dans le nahu, quand il est majzoum. Exemple, la parole d'Allah dans le sens où il dit: et ne suis pas les passions de ceux qui ont démenti nos versets et ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Quand les wala tatabia, ne suis pas leurs passions. Le shahida, c'est la tattabia. Le la ici, là, c'est la nahia. C'est un la d'interdiction. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معنى. Donc il a dit, quand on dit قول, la parole, ça exclut l'indication par la main. Que même s'il a un sens, il peut avoir sens d'interdiction, ça n'entre pas dans le ta'rif. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب الفعل. Lorsqu'on dit qu'on désire une demande de délaissement, cela exclut quoi? L'ordre, qui lui est une demande d'action. C'est le contraire. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. Lorsqu'on dit à la وجه الاستعلاء, c'est exclut quoi? L'التماس, le دعاء, السؤال, comme on a appris dans l'âme. Par exemple, quand tu dis يا ربي لا تذرني فردا, au Seigneur ne me laisse pas seul, tu as dit là, là ça est un دعاء, c'est pas un نهي, c'est un دعاء pareil. قال وخرج بقولنا بصيغه مخصوصه هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغه الامر. Donc il a dit, lorsqu'on a dit avec une formulation particulière, c'est-à-dire le mudari avec lam la an-nahi, ça exclut toute chose qui appelle au une demande de délaissement, comme par exemple un ordre. Tu dirais مثلا دع, laisse ça, ou اترك, اترك هذا, laisse ça. Ça c'est amr. Mais c'est quoi le sens? C'est un sens de nahi. Donc ça ne rentre pas dedans. Si je te dis اترك هذا, c'est un ordre que je donne. Laisse cela. Qui n'a qu'un lek la taf'al هذا, là c'est un nahi. D'accord? Même si le sens il est synonyme, mais les deux formulations elles sont différentes. T'en as un, c'est un verbe à l'impératif, et l'autre c'est un verbe avec la pour l'interdiction. Ils ne sont pas les mêmes. Mais le sens revient au final à la même chose. Et on peut avoir des formulations de nahi avec autre que la nahiya, comme par exemple qu'on décrive un acte comme étant haram, ou comme étant interdit, ou comme étant mauvais, ou lorsqu'on blâme celui qui l'accomplit, ou alors un acte sur lequel s'appliquerait une mauvaise attribution pour celui qui le commettrait, comme dans le ham. C'est la même chose à la fin. Quand on ما تقتضي صيغة النهي, qu'est-ce qu'implique la formulation du nahi? صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. Donc à la base, une formulation d'interdiction dans un إطلاق, ça implique quoi? Que la chose elle est interdite. Quand on dit ne fais pas ça, c'est-à-dire que le fait de le faire, c'est interdit. Et que cet acte que tu feras sera invalide. Ça c'est la base. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Parmi les preuves justement qui montrent que cela implique le tahrim, la parole de Allah dans le sens où il dit, est-ce que le prophète ou ce que le messager vous a donné, alors prenez-le, est-ce qu'il vous a interdit, alors arrêtez, cessez-le. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. Donc lorsqu'un ordre vient pour te demander de cesser de faire une chose, cela implique qu'il est obligatoire d'arrêter cette chose-là. Donc qu'est-ce que cela implique à l'inverse? Cela implique qu'il est interdit de le faire. Tamam? C'est min lawazim et wa walaysa min al min diddi. C'est pas forcément son opposé, mais c'est parmi les lawazim. Là, c'est une masala encore dans laquelle il y a eu des déviances de la Washa'ira. Nous ne vont pas s'étaler dessus. قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. Donc parmi les preuves justement qui démontrent que l'acte est invalide, l'acte qui était interdit, il est invalide, c'est dans le hadith de Aïcha, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait une œuvre n'étant pas de notre enseignement, il est rejeté, ou elle est rejetée. cette œuvre est rejetée. Et il y a un tafsil dans cette mas'ala, à quel moment l'action est rejetée ou pas. كذلك قال هذه هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل كل هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. Donc il dit maintenant c'est une règle du madhhab. Il veut dire quoi comme madhhab? Madhhab Hanbali. Car ce madhhab que Cheikh Othaymin il a évolué. Maintenant il se revendiquait pas Hanbali dans le sens mutaassib, mais c'est le madhhab qui est propagé en Saoudi, c'est ma'arouf. Mais lui c'est le dalil. Quand même c'est le dalil à la base. Donc il dit, est-ce que cette œuvre elle est vaine ou valide avec l'interdiction? Il y a un tafsil. قال أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. Ça c'est un truc qu'on a appris dans la Kawaid al-Fiqhiyya. Il a dit si jamais l'interdiction revient à la chose interdite en elle-même ou en de ses conditions, alors l'action sera interdite. On avait pris ça dans le Kawaid al-Fiqhiyya, tu te rappelles? Après il va citer les exemples, ça s'éclaircit. ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. Voilà que l'interdiction revient à une chose qui est externe. طيب, à la chose interdite ou à une de ses conditions, alors l'acte en lui-même n'est pas rendu invalide. L'exemple, مثلاً, d'une chose qui revient à l'interdiction en elle-même, مثلاً, le fait de jeûner le jour du Eid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour du Eid en soi. Donc là, le jeûne, ce jour-là, il est invalide. Car on a une interdiction qui est précise sur une chose précise à un moment précis. Ça, c'est dans les ibadah. Et dans les mu'amalah, le fait, mathalan, d'acheter une chose après l'adhan, l'oum al-jumu'ah. Ça veut dire quoi? Que cette vente, elle est invalide. Pourquoi? Car on a une interdiction en cette chose elle-même précise. Que la vente après la zed al-jumu'ah, elle est interdite. Donc là, ça revient à quoi? Pi dhatihi, en soi-même. Tamam? En soi-même. Donc la vente, elle est invalide. Et l'exemple d'une chose qui revient à une condition dans l'adoration, le shir va donner un exemple, mais il n'est pas correct. Il dit comme par exemple quelqu'un qui mettrait un vêtement de soie pour cacher sa aura dans la salat. Car cacher la aura dans la salat, c'est une condition. Tamam? Et lui, il dit que cette personne-là cache sa aura avec un vêtement de soie. Car à la base, porter de la soie pour les hommes, c'est interdit, comme tu le sais. Donc lui, il voit que la salat, elle est invalide. Mais ça, cet exemple qu'il a donné, quand même, il n'est pas correct. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit de se cacher la aura avec de la soie, c'est-à-dire ça ne revient pas à l'adoration en soi. Ou demain tu mettrais un vêtement avec une image pour cacher ta aura. Ta salat n'est pas invalide. Ça, c'est pas lié à la salat en soi. Ce qui aurait été mieux qu'ils disent, c'est le fait de faire salat sans tahara. Ça, c'est un short de la salat. Pas avoir l'eau. Ça, on va dire que la salat est bâtie là. Pas même. Ou tu as fait l'eau avec de l'eau qui était impur, la falaine. Ah, mais l'exemple qu'il a donné lui, il ne rentre pas dedans. Quelqu'un qui demain, il prend un vêtement interdit et cache sa aura avec, sa salat, elle n'est pas invalide pour ça. Il a le péché. Voyez, il a le péché. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit de cacher la aura par rapport à la salat avec un vêtement interdit. À la base, c'est une chose qui est interdite à l'extérieur. Ce n'est pas lié à la aura en soi. Que tu portes pour la aura, que tu le portes pour un chapeau ou que ce soit, la soie, tu ne la portes pas. Donc c'est pas lié à la condition de la salat. Donc le meilleur exemple serait de dire quelqu'un qui fait la salat sans tahara. Ça c'est qui est interdit comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allahu salat ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda. Ça c'est une masala sur laquelle il y a un grand tafsil que le cheikh a fait, mais on va pas pareil, on va pas le citer là. Nous on veut une approche seulement. Après il donne un exemple d'une condition dans les mu'amalat. Par exemple, le fait de vendre un fœtus dans le ventre de sa mère. Car parmi les chourotes de la vente, el-ilm, que la chose que tu achètes, tu la connaisses. elles sont décrites, elles sont connues. Là, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le monde de la mer. On parle d'une vache, mathalène, ou d'une brebis, ou voilà les cas. Donc ça, ça revient aux conditions de la vente. Parmi les conditions de la vente, an yakoun al mabir ma'louman, il est connu. Là, dans le monde de sa mère, est-ce qu'il est connu? Il n'est pas connu. Donc la vente, elle est invalide. Pourquoi? Car tu auras fait tomber une des conditions de la vente qui est l'ilm. Vous voyez? Pas mal. Donc ça, ce sont les choses qui reviennent à l'interdiction, à la chose en soi-même ou à une condition de la chose, ce qui fait que la chose sera annulée par la suite. Maintenant, il donne l'exemple d'une chose, interdiction, qui vient à une chose extérieure à la chose, qui fera qu'elle ne sera pas rendue invalide. Il dit, mathalan, qu'un homme porte une imama de soie dans la salat. Porter de la soie dans la salat, c'est, ou autre que la salat, comme on l'a dit, la soie, c'est interdit. Maintenant, tu portes un vêtement interdit dans la salat, ça n'annule pas la salat. À part si il nage à ça dessus. Là, c'est autre chose. Pourquoi? Car ce vêtement que tu portes ne revient pas à la salat. Ni n'est lié à la condition de la salat. Et maintenant, une chose dans le même sujet qui est liée aux mu'amalat, aux échanges, elle riche, l'escroquerie dans la vente. Quelqu'un qui t'escroque dans une vente. Il te vend une chose, il t'escroque. D'accord? La vente, elle est valide. Mais lui, il aura le péché de ce qu'il aura fait. Mais la vente, elle est valide. L'objet que tu as acheté t'appartient, vu l'argent qu'il a pris, mais ce qu'il a fait, c'est haram. La différence entre une interdiction qui est liée à une chose en soi directement ou une condition de la chose dans les ibadah, dans les mu'amala, ça annule la chose, ou l'adoration, ou la vente, ou la mu'amala. Et lorsque c'est une interdiction qui est liée à une chose externe à cette adoration ou à cette mu'amala, ce contrat de vente ou quoi, ça n'annule pas, mais tu auras le péché d'avoir enfreint l'interdiction. قال وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى لدليل يقتضي ذلك. Donc maintenant il se peut que l'interdiction n'amène pas un tahrim pour d'autres qara'in. Une chose, tu as une sira de nahi, mais on a des preuves que cette nahi, c'est pas tahrim, mais c'est tanzih, مثلاً makruh. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, مثلاً ça peut être karaha. Une chose qui est détestable. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yamassanna hadukum zakarahu biyaminihi wa wayadbul. Que aucun d'entre vous ne touche son pénis lorsque, avec sa main droite, lorsqu'il urine. Tamam? Le chien lui voit que c'est une karaha. Ça, c'est une masala sur laquelle il y a débat. Autre exemple, le fait de boire debout. La tashrab wa antaqa'im. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire en étant debout. Tamam? Dans d'autres hadiths, on a vu qu'il a bu debout. Ça prouve que quoi? Que, en fait, ce n'est pas une interdiction de tahrim, mais de tanzih karaha, c'est makruh. Également, ça peut être une sira de tahrim, de nahi, pour al-irshad, pour t'indiquer une chose, t'enseigner une chose, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La tada'anna an takula dubura kuli salat. Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husn ibadatik. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit quoi à Mu'az? Il a dit, ne délaisse jamais après chaque salat de dire, ô Allah, aide-moi dans ton rappel et à te remercier et de bien accomplir les adorations. Donc là, c'est pourquoi il a dit ça. Qala la tad'anna. La tad'anna. Est-ce que maintenant ça veut dire s'il le fait passer haram sur lui? C'est pas haram, c'est il a insisté pour dire que cette chose-là, elle est bonne pour toi, fais-la. Donc là, on voit quoi? Que le nahi peut avoir un sens de karaha, de tahrim, c'est la base, c'est-à-dire la chose, elle est illicite. Ça peut être makruh, ou ça peut être juste irshad, pour t'indiquer la chose. Thumma qal, man yadkhul fil khitab bil amr wa nahi. Qui est-ce qui est concerné par le discours dans l'ordre ou dans l'interdiction? Ce qu'on appelle shurut et taklif. Maintenant, qui c'est le mukallaf? On en a parlé vaguement au début, là, ils vont parler un peu plus. يقول الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف هو البالغ العاقل celui qui est concerné par ce discours sur qui s'appliquent les ordres ou les interdictions c'est le mukallaf celui sur qui s'imposent les charges de la religion et c'est qui le balir celui qui est pubère aqil qui a sa raison qu'il soit un homme qu'il soit une femme car la base dans les hommes et les femmes c'est que les jugements sont les mêmes tant qu'on n'a pas une chose qui vient pour différencier entre les deux قال فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد تمييز تمرينا له على الطاعه ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها donc maintenant il dit quand on dit le baligh qu'est-ce que cela exclut le petit l'enfant lui il est pas mukallaf les choses qui sont par les ordres ou les interdictions comme le serait un adulte cependant on doit lui ordonner de faire des ibadat parce qu'il a l'âge du tamiz la distinction quand même comme par exemple la salat pour l'enfant à 7 ans lui s'il la fait pas il n'a pas de péché mais on doit lui faire faire le péché est sur qui s'il la fait pas sur les parents pourquoi pour l'entraîner l'exercer au ibadat par la suite Et également, on doit l'interdire de faire des ma'asi. Même s'il est petit, on dit, il n'y a pas de péché le petit. Tu l'interdis quand même de faire. Quand même, pourquoi ? Pour qu'il s'y habitue. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il Hassan, lorsqu'il a pris une tamre. Il a dit, kakhin, kakhin, alam ta'alam il sadaqa tuhram alayna. Il lui a dit, laisse ça. Ne sais-tu pas que les sadaqa nous sont interdites alors qu'il était petit. Il ne l'a pas laissé prendre la tamre pour dire, il est petit, il mange sel. Non. Il lui a interdit de prendre la tamre. Car c'est une table de sadaqa et elle le bait, la sadaqa n'y ont pas droit. Et comme le disent les machères, ce qui a été interdit à l'adulte, on doit également interdire aux petits. Ne pas se dire comme c'est un enfant, c'est pas grave. Comme les enfants, les parents ils font, ils habillent leurs enfants de façon, les petites avec des vêtements courts, des vêtements serrés, ils disent elle est petite, c'est pas grave. On dit même si elle est petite. C'est pas permis pour la grande, n'habitue pas ta fille à s'habiller comme ça. Les images sur les vêtements. Il dit, c'est un enfant, c'est pas grave. On dit, c'est pas permis les soirs, même sur l'enfant. Quand des gens disent, c'est un petit, la baisse. On dit, non. Même pour un petit, ne le fais pas faire les choses qui sont interdites pour l'adulte. Car toi, en faisant cela, tu prends le péché toi, en tant qu'adulte. Thumma qala, wa kharaja bi qawlina al-aqil al-majnun, fa la yukallaf bil-amr wal-nahi, walakinahu yumna' mimma yakunu fihi. تعود على غيره او افساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه Il dit maintenant lorsqu'on dit l'aqil celui qui a sa raison cela exclut quoi le fou donc lui le fou il n'est pas sous les décrets de la religion comme le amr ou le nahi Cependant, on doit quand même l'empêcher de faire des choses qui peuvent nuire aux autres. On va dire il est fou, par exemple, je ne sais pas, il est fou, et il se met tout cassé dans la maison. On dit il est fou, laisse-le. On dit non, il faut l'empêcher de faire. Ou il prend les affaires des gens, il les casse, il les jette, il les brûle. On dit non, ne laisse pas faire. Et si ce fou venait à faire un acte d'adoration, ce n'est pas accepté de lui. Pourquoi ? Car lui, il ne le fait pas par imtithal. Par obéissance, par observance. Il le fait comme ça. Donc pour avoir une récompense dans un acte, il faut, on a dit quoi ? L'imtithal. Il faut que tu aies une niya dans ce que tu fais. Donc ça se trouve, il va le faire comme un enfant. L'enfant, il va faire comme toi, certaines ibadah. Sauf que l'enfant, il y a des choses, des ibadah qui lui sont comptées, il y a yani les hasanat, comme le hajj. Comme cela est vu dans un hadith, une femme s'est rendue près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, elle est hadha hajj. Elle a montré son enfant, il était petit. Il a dit naam. C'est-à-dire quoi ? Que l'enfant aura le ajr du hajj. Mais est-ce que son hajj, hajj l'islam, il a pu le faire ? Ou il sera à balir, il doit le refaire quand même. Mais ce hajj qu'il aura fait petit, il en aura le ajr. Donc le fou, le dément, Tamam? Même si lui, quand il casse une chose ou quoi, quand il a perdu la raison, il n'a pas de péché, on ne laisse pas faire. Et s'il casse, il faut rembourser ce qu'il a cassé. Et l'enfant, pareil. قال ولا يرد على هذا إجاب الزكاة والحقوق المالية في المال الصغير والمجنون لأن إجاب هذا مربوط بأسباب معينة بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. Donc maintenant cela ne rejette pas le fait que la zakat مثلا ou le droit des biens reste sur eux, le fou et l'enfant. Pourquoi? Car ces adorations sont liées à quoi? À des causes particulières. C'est-à-dire que si jamais on trouve le jugement par rapport à ces actes, alors il faut les appliquer. Cela est lié aux causes et non pas à la personne. Ça rentre dans les quoi? Arkem wad'iya. La zakat, ça ne revient pas au fa'il. Ça revient au arkem wad'iya. Si la somme elle était atteinte et que la durée a été atteinte, un an, la zakat elle sort. Même si c'est un enfant. Même si c'est un fou. Quand même, même si c'est un fou. Là, ça ne vient pas à la personne en soi. Par exemple, la salat, parmi les chouroutes, elle aql. Ou elle tamise. Dans la zakat, il n'y a pas. La zakat, c'est les chouroutes, c'est la somme atteinte et la durée. Khalas. Et que ça rentre dans les choses sur lesquelles il y a une zakat, bien sûr. Là, tout sur la zakat. قال المسألة مهمة الآن التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حل كفره لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. Donc il dit maintenant le taklif lorsqu'il est touché aux ordres ou aux interdits, cela concerne le muslim et le kafir. Même le mécréant n'est concerné par ça. Cependant le kafir, s'il venait à faire, à obéir à un ordre ou à délaisser un interdit, il n'aura pas de récompense. Ce n'est pas accepté de lui. Pourquoi? Comme encore la Azawajal dans le sens où il dit, et qu'est-ce qui empêchait que ne soient acceptées leurs dépenses, si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Même s'il dépense, il donne une zakat, il fait des salawat, il fait le hajj, il fait le siyam, mais il n'a pas fait la shahadat, il n'est pas entré en islam, ce n'est pas accepté de lui. ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقول الله تعالى كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Également, si jamais il rentre en islam, se soumet à Allah, tout ce qu'il n'a pas fait auparavant, il n'a pas à le rattraper. Comme Allah Azza wa Jalla dans le sens où il dit, et dit à ceux qui ont mécru, si jamais ils cessent, c'est-à-dire leur kufr, il leur sera pardonné tout ce qui y a précédé. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله. Il a dit quoi le Nabi صلى الله عليه وسلم à Amr ibn al-As? Il a dit, n'as-tu pas su que l'islam efface tout ce qu'il y avait auparavant? قال وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر لكل الله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائلين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Par contre, il sera châtié pour tout ce qu'il aura délaissé comme obligation de l'islam ou pour avoir commis les interdits. Comme le prouve la parole d'Allah dans le sens où il dit à propos des mujrimines, des criminels, des koufars, lorsqu'il leur sera dit, qu'est-ce qui vous a amené au feu de l'enfer? Ils diront, nous étions de ceux qui ne faisaient pas la salat. Et ils ont dit également, nous n'avons pas nourri le pauvre. Et nous étions de ceux qui parlaient vainement et nous démentions le jour de la résurrection. Jusqu'à ce que nous soit venu le yakin, c'est-à-dire la mort. Donc là, le shahid, qalu lam nakun musallin wa dhalika. Lorsqu'ils seront interrogés, pourquoi étiez-vous au feu? Car nous n'avons pas fait cela, ni cela, ni cela, ni cela. Toutes ces choses sont des choses que l'islam a rendues obligatoires. Et il y a un autre dalil également qu'on peut citer en sourate Al-Kahf. Quand la Azza wa Jal tara al-mujrimina mushfiqina mimma fih yaqulun ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Parce que tu verras les mujrimines anxieux de ce que contiendra le livre, c'est-à-dire le livre où il y a les œuvres qui sera posé, Ils diront, pauvres nous, quel est donc ce livre qui ne délaisse ni grand, ni grande, ni petite action. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont fait, ça va être mis. Et c'est quoi ces actions-là? Des choses que l'islam a interdites. Tout ce qu'ils ont fait sera mis, et tout ce qu'ils auront enfreint sera mis. Maintenant, il y a certains qui disent, non, le kafir, il n'est pas mukallaf par les choses. Il y a un khilaf, mais le kol sahih, c'est celui-là. C'est-à-dire que tout ce que toi, qui t'interdit à toi de faire, tu ne dois pas cautionner que le kafir le fasse et l'aider à le faire. Tu n'aides pas à boire de l'alcool, tu n'aides pas à faire zina, tu n'aides pas à salam, manger du porc, tout ça tu n'aides pas. En Ramadan, tu ne nourris pas, tout ça tu ne le fais pas. T'as même ? Non. Maintenant, une faïda par rapport au kalem de l'auteur dans le hadith, que l'islam efface tout ce qu'il y avait auparavant, qu'on a pris dernièrement de Cheikh Abou Bilal, du kalem de Cheikh Islam, que Cheikh Islam voit que l'islam efface ce qu'il y avait auparavant pour celui qui a délaissé et a fait tawba. Ah, mais celui qui n'a pas fait tawba, c'est-à-dire il était kafir, il faisait des péchés, il est rentré en islam, mais il continue ces péchés-là, ils sont toujours comptés. Et le dalil, c'est quoi? C'est le hadith de Hakim ibn Hizam. Qala, ya Rasulallah, al nu'akhadhu bima alimna fil jahiliyah. Qala, man aslama ou man ahsana islamahu, fala yu'akhadhu bima amina fil jahiliyah. Wa man asa fil islam, yu'akhadhu bi awali wa akhirihi. Qui lui a dit, Hakim ibn Hizam, lorsqu'il s'est soumis à Allah, il a dit, ô messager Allah, est-ce que nous nous sommes pris pour ce que nous avons commis dans la jahiliya? Il a dit, celui qui rentre en islam et qui le fait bien, il rentre bien en islam, il ne sera pas pris pour ce qu'il a fait auparavant. Par contre, celui qui rentre en islam et se soumet mal, il sera pris pour ce qu'il a fait auparavant et ce qu'il fera par la suite. Donc celui qui fait des péchés dans la jahiliya, puis se soumet à Allah et continue ces péchés-là, ne fait pas fait tawbah, ces péchés-là sont comptés en islam et après l'islam, à la cour du Cheikh Islam, se battant sur ce hadith. Quelqu'un qui écoutait de la musique, il n'a pas arrêté, c'est pas effacé pour lui. Celui qui faisait zina, qui avait une petite copine par exemple, il rentre en islam, il la garde, ou une femme, elle avait un petit copain, rentre en islam, elle continue à faire zina avec lui. Ouais. Par contre, on parle bien de quelqu'un qui n'a pas fait tawba. Pas quelqu'un qui a fait tawba qui a recommencé. Quelqu'un qui n'a pas fait tawba. Par exemple, des fois tu fais tawba d'une chose, après tu recommences. Tu es faible. Là, c'est autre chose. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas fait tawba, qui continue à faire la chose. Yastamir fi, bidun tawba. Non. Thumma yakul, mawani at-taklif. Les choses qui font qu'il n'y a pas de taklif sur toi. Parce qu'il y a des empêchements, des fois. Et il dit, les taklif mawani, minaha al-jahl, wa nisyan, wa ikrah. Le taklif, il y a des choses qui l'empêche de s'appliquer. Parmi ces choses-là, l'ignorance, l'oubli et la contrainte. Le qul nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tajawaza an ummati li khata wa nisyan wa ma stukriha alayhi. Rawahu ibn Majah wal Bayhaqi. Wa law shawahid min al kitab wa sunnah tadullu ala sihhati. Que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah, quand même, a pardonné à ma communauté l'erreur, c'est-à-dire ce qu'elle a fait involontairement, l'oubli, et c'est sur quoi elle était contrainte, malgré elle. Donc parmi ces choses-là, il y a, comme on a dit, le jahl. Qala famata fa'ala al-mukallaf muharraman jahilan bitahrimihi fala shay'a alayhi kaman takallama fi salat jahilan bitahrim al-kalam. Par exemple, celui qui a fait une chose par ignorance, en ignorant que cette chose-là était interdite, alors il n'a pas de péché sur lui. Comme par exemple quelqu'un qui viendra parler dans la salate. Il ne savait pas que c'était interdit. Comme ce fut le cas de Mouawiya, qui dans la salate avait éternué. Hein? C'était un autre qui avait éternué. Que là, quelqu'un avait éternué, il a dit Alhamdoulilah, Mouawiya le fait le dua. Et à la fin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ce qu'il avait dit dans la salate, ça ne convenait pas à ce moment-là. Donc comme il ne savait pas, il ne lui a pas dit refais ta salate, tu as parlé. Par contre, tambih, le fait d'ignorer la sentence d'une chose, ne t'excuse pas. Si tu connaissais le tahrim, par exemple, quelqu'un, il sait que voler c'est haram. Mais il ne sait pas qu'on coupe la main avec les chouroutes. Il a volé, selon les chourotes requises pour que sa main soit coupée. Et après, je ne savais pas qu'on coupait la main. On dit, non, c'est pas une excuse. Si tu savais, que voler, c'était interdit, tu as volé, ça, la sentence s'applique sur toi, si on t'attrape. Zina, pareil, je ne savais pas qu'il y avait la peine de mort. Mais tu savais que le zina, c'était interdit, il va dire, non, khalas, yakfiya, là. Pour que le jugement s'applique sur toi. Donc également, alors, si jamais il délaisse une obligation par ignorance, il n'a pas à la rattraper. Allez, il n'a pas à la rattraper. Tant que le temps est toujours présent. Par exemple, une salat, il l'a fait, que ce n'est pas l'obligation qu'il a délaissé par ignorance. Si le temps est toujours présent dans la salat, il l'a refait. S'il ne savait pas, il n'a pas à la rattraper. Après, il a dit, An-nisyan, zuhul al-qalb an-shay ma'loum. Donc le nisyan, c'est quoi? C'est l'oubli. Donc quelqu'un qui fait un oubli, une chose interdite par oubli, ma'aléché. Par exemple, il a mangé dans le nahar de Ramadan. Il était sahim, il jeûnait. Et après l'oubli, après un verre d'eau, il a bu. Par oubli, une intention. Il n'a pas fait exprès. Lui, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama Allah at'amahu fayuwasif fi sawmihi. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est Allah qui l'a nourri, tu continues dans ton saum. Pourquoi tu n'as pas fait exprès? Qal, kadhalik, et sans dedans également le sommeil. Celui qui dort, par exemple, c'est lors de la salat, il dort. Il a entendu la zane, la salane, il dort, mais pour de vrai. Après, il se réveille, la salat, il a dormi au asr, c'est le maghreb. Qu'est-ce qu'il fait? Au moment où il se lève, il refait l'asr et il fait le maghreb. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man nasiya salatan, fi yusalliha. Celui qui oublie une salat, qu'il a oublié, il n'a pas fait exprès, il l'a fait quand il s'en rappelle. Et celui qui a dormi également, et lorsqu'il se réveille, il doit la faire. Mais au moment où il dort, le nom, le sommeil, c'est parmi les choses aussi ma'awani al-taklif. Quand tu dors, on l'offre le qalem, an al-na'im hatta yastayqiz, an al-majnoun wa an al-walad. Celui qui dort, le qalem, il n'y a pas de plume sur lui. L'enfant, c'est ce qui devient balir. Et le fou, c'est ce qui prend la raison. Et après, il y a l'ikrah, la contrainte. Même al-ikrah. Ils aiment le shars, bima la yurid. Qu'on contraint une personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc, si jamais on te contraint à faire une chose, muharram, avec bien sûr, l'ikrah, il a des chourotes. Ce n'est pas tout ikrah qui est valide. Il y a des chourotes, ça, c'est un autre sujet encore. Là, on parle à l'asl. On te contraint à faire une chose qui est interdite. Tu es contraint de la faire. Par exemple, on te dit, si tu ne fais pas ça, on va te tuer. Tu l'as fait. Et bien, à ce moment-là, cette chose-là ne t'est pas comptée. Même tu as dit le kufr, sous la contrainte, une vraie contrainte. T'as pas mécru. D'ailleurs, ça t'est pardonné. Il dit وَتِلْكَ الْمَوَانِعِ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ اللَّهِ لِأَنَّهُ مَبْنِي عَلَى الْعَفُو وَالرَّحْمَةِ. Il a dit là, pourquoi toutes ces choses-là, ce n'est pas compté pour toi, car ça rendre quoi? Au droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la base dans les droits d'Allah, c'est le pardon et la miséricorde. Donc Allah, il te pardonne. Par contre, أَمَّا فِي حُقُوقِ الْمَخْلُوقِينَ فَلَا تُمْنَعْ مِنْ ضَمَانٍ مَا يَجِبُ ذَمَانُهُمْ إِذَا لَمْ يُلَخَّصْ أَوْ إِذَا لَمْ يَرَدْ صَاحِبِ الْحَقِّ بِسُكُوتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Par contre, ce qui revient au droit des gens, c'est mawani' n'empêche pas de rembourser si jamais il y a à rembourser ou dédommager. Tu n'as pas de péché, mais le dédommagement est toujours sur toi, à part si celui à qui tu as altéré les biens te pardonne. Fahim tani? طيب هذا هو الرسول qu'on a pris aujourd'hui qui était le nahi sira du nahi. C'est quoi le sira du nahi? C'est la nahiya qui a un sens de délaisser une chose. Et ce qui est la base, c'est que le nahi, c'est pour un tahrim, une chose que jamais tu ne peux pas la faire. Si jamais tu l'as fait, tu auras commis un péché. À part dans des cas, des fois ça peut être makrouh. Ou des fois, ça peut être pour le shed. Pour aller comme ça. Après, on a vu qui était concerné par le nahi, le amr, le taklif. On a vu c'est qui? Le baalir, aqil. Et dans le baalir, ça rentre dedans la femme. Donc la femme et les hommes, ou les personnes âgées, ont les mêmes droits à la base, les mêmes obligations, à part s'il y a une chose, un dalil précis qui vient spécifier. Non. Du coup, le musulman, ça rentre pas dedans, comme on a vu. Muslim, c'est pas un char de Taqif. Là. C'est un char de Kaboul. C'est un char de Kaboul. À ma taklif, là. À la sahih. Il y a un khilaf, mais sahih, c'est ça comme le prouve l'adjillah. Que le kafir, il sera châtié pour tout ce qu'il a fait comme haram. Le porc qu'il aura mangé, le zina qu'il a fait, l'alcool qu'il a bu, et surtout avant ça, le shirk qu'il aura fait, tout. Sinon, ça veut dire quoi le... c'est quoi la faïda qui soit châtiée au Merkéama? Pour le kouf, c'est tout. Les koufars, il y a tafawatou, ils ne sont pas tous égaux. Pourquoi est-ce que Philaon aura un châtiment plus grand? Qu'elle a fait un kouf plus grand. Donc des choses qui sont plus graves que d'autres. Des choses sont plus graves que d'autres. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a lapidé des Yahoud qui avaient fait zina. Il les a lapidés. Pourquoi? Non, c'est des Yahoud, il dit khalas, vous, c'est, vous n'êtes pas des musulmans, on n'a pas à vous lapider. Quand ils ont fait zina, il a dit qu'est-ce qu'il y a dans votre livre? Ils ont voulu cacher le verset du Rajm. Ils ont dit nous, on fait ça. Il y a Abdullah ibn Salem qui est venu, car c'était un Yahoudi et c'était un alim. Il a dit lis le verset du Rajm. Il a mis sa main sur le verset. Abdullah, il a dit enlève ta main. Il a enlevé sa main, il y avait quoi sous sa main? Le verset du Rajm, la lapidation. Qu'est-ce qu'il a fait de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a lapidé l'homme et la femme. Donc il y avait un taklif sur eux. Mais lui, il n'a pas voulu juger avec la Torah. Il a voulu juste leur montrer que vous, votre livre, vous ne l'appliquez pas. Mais à la base, votre jugement dans votre livre est le même que le nôtre, donc il l'applique sur vous. Donc il a appliqué sur eux, quoi? Hak al-Islam. Pas hak al-Torah. Mais comme ça coïncidait, c'était pourquoi Bab ikamat al-Hujja alayhim, que vous cachez votre livre, et vous montez, et même votre livre, vous ne l'appliquez pas. Non, ma'adha wa shahid. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين